mignonne. Allons voir si la rose qui ce matin n'avait déclose sa robe de pourpre soleil a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés laissées jouir. Ô vraiment marâtre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne à sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté.